Les derniers temps, il apprécie et particulièrement une série qui s'appelle Stranger Things. C'est une série de science-fiction qui part dans un monde parallèle, dans un village aux États-Unis pendant les années 80. Les séries s'inspirent beaucoup d'univers de Lovecraft, Spielfield et Stephen King. Et ce sont des univers que lui adore. Il va déterminer la quatrième saison. Elle y hésite un peu à regarder la suite. Souvent, il est déçu par les nouvelles saisons.